Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la relation entre les francophones hors Québec et les indépendantistes québécois. La commission d'études de l'assimilation a visité toutes les régions du Canada et je pense qu'il y a un sentiment qui est unanime partout. Les gens souhaitent beaucoup que le Québec reste dans la Confédération, mais en même temps, on nous a souvent exprimé un sentiment d'aliénation vis-à-vis le Québec. C'est-à-dire? On trouvait très tourné sur ses seuls problèmes et qu'on avait le sentiment que le Québec lui-même ne souhaitait plus avoir beaucoup de rapports avec les différentes communautés canadiennes françaises. Gaétan Gervais, le coprésident de la Commission nationale d'études sur l'assimilation à l'émission Les Actualités du 15 juin 1992, on est alors en plein débat autour du futur accord constitutionnel de Charlottetown. Pas simple, la relation entre les francophones hors Québec et les indépendantistes québécois. Le sentiment exprimé par Gaétan Gervais dans cet extrait est tout à fait représentatif des craintes que nourrissent beaucoup de francophones hors Québec par rapport au projet souverainiste québécois. Ils craignent d'une part de faire les frais d'un éventuel départ du Québec de la Fédération canadienne, leur crainte étant que les provinces canadiennes anglaises leur en fassent payer le prix en s'attaquant à leurs droits linguistiques. Et d'autre part, beaucoup d'entre eux en veulent à ce Québec de l'après-Révolution tranquille qui a graduellement tourné le dos à son passé canadien-français. Certains francophones hors Québec se sentent carrément abandonnés par le grand frère québécois. Par ailleurs, beaucoup d'indépendantistes québécois estiment pour leur part que les francophones hors Québec sont tout simplement devenus de coriaces adversaires et de redoutables détracteurs de leur projet d'indépendance nationale. My friends used to call me Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise, Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Vivre en français, dans toute l'ampleur du mot que vous voulez dire, vivre, je ne le comprends pas. À moins de vivre dans certains centres ruraux. Mais vivre dans une ville comme Regina, Saskatoon, Prince-Albert, ce serait un effort quasi insurmontable de dire « j'ai fait ma vie en français, point ». Vous savez, fonder un centre culturel en Ontario, eh bien, il faut être visionnaire et il faut être un peu fou. Parce que depuis que nous sommes au monde, qu'on nous dit, et je pense à nos frères du Québec, qui nous disent que nous sommes perdus en Ontario, que dans 15 ou 20 ans, on ne parlera plus le français. Alors, fonder un tel centre, eh bien, ça dénote un peu de folie. C'est mon mommy, mommy. There's so much in her name, oh mommy. Tell me why. It's too late, much too late. Extrait de l'émission « La vie des francophones hors Québec » diffusée en 1982 pour nous parler de la relation complexe que vont entretenir les francophones hors Québec avec les indépendantistes québécois, pour voir aussi de quelle manière va évoluer cette relation au fil du temps. Je reçois l'historien Serge Dupuis, qui est spécialiste de l'histoire de la francophonie canadienne, qui est également membre associé de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval. Serge Dupuis, bonjour. Bonjour. Dans l'histoire de cette relation entre les francophones hors Québec et les francophones du Québec, il y a un point tournant. On va y revenir dans un instant, 1967, oui. Les États généraux du Canada français. Mais parlons un petit peu de ce qui précède ça. Quel genre de relation ont les francophones hors Québec et les francophones du Québec avant la fin des années 60, avant ce point tournant des États généraux du Canada français? Ce sont d'abord des rapports familiaux qui existent parce que l'immigration des Canadiens français à cause du surpeuplement des terres agricoles au Québec, dans le nord du Nouveau-Brunswick, l'est et le nord-est de l'Ontario, font en sorte que ce sont des membres de même famille qui émigrent fin 19e, début 20e siècle, ouais. Et que la majorité des gens, justement, ont des cousins et cousines, oncles et tantes des deux côtés de la frontière. Une vraie famille, littéralement. Voilà, à cause des chemins de fer aussi, la mobilité a grandi. Donc, ces gens-là se connaissent. Ce qui fait en sorte que, par exemple, des militants contre le règlement 17 en Ontario pendant les années 10 et 20 ont des membres de la parenté dans la classe politique québécoise, oui. C'est-à-dire des frères et des beaux-frères. Il y a un réflexe. On va prendre fait et cause tout de suite pour la protection, par exemple, des droits des francophones de l'Ontario autour du règlement 17. Voilà. Et la nation canadienne-française n'est pas exprimée par des acteurs étatiques autant qu'elle l'est, par exemple, après la Révolution tranquille, mais par l'Église et son vaste réseau institutionnel qui comprend, oui, des paroisses et des écoles, mais aussi des collèges, des orphelinats, des hôpitaux. Tout un réseau institutionnel, des coopératives qui encadrent la vie des Canadiens français, tant au Québec qu'à l'extérieur, dans ces communautés-là où ils sont majoritaires ou nombreux. Ouais. Et donc, il faut dire que la nation canadienne française, on dit, elle déborde la frontière du Québec et de plusieurs manières. Ouais. Arrivent ces fameux États généraux du Canada français à la fin des années 60 qui vont être une espèce de charnière. Un mot d'abord sur le contexte. Pourquoi tout à coup, on sent le besoin d'organiser ces États généraux, Serge Dupuis? Bien, parce qu'il y a une crise de légitimité au sein de cette Église-nation-là. Les effectifs sont à la baisse. Il y a une crise financière dans l'Église et on cherche à ce que l'État soit un acteur plus important, et surtout les États provinciaux. Et il y a une dimension de cette question-là qui n'est pas typiquement canadienne-française, c'est-à-dire que tous les États occidentaux développent des États-providence. Oui. Mais la place qu'occupe le Québec dans ce processus-là et le fait que les minorités canadiennes-françaises aussi sont en train de faire le transfert de leurs institutions, de l'Église vers l'État provincial, ce qui fait en sorte qu'on a besoin de justement rétablir les bases de la légitimité politique canadienne-française. C'est la raison pour laquelle on assemble des acteurs du milieu politique, de la société civile. C'est 1400 délégués qui se rassemblent à trois reprises justement à Montréal pour ces États généraux. L'idée, c'est de voir un peu où en est cette famille canadienne-française, avec évidemment le contexte des années 60, la Révolution tranquille au Québec, la montée du nationalisme. Il y a un rapport qui va être un peu un électrochoc sur cette francophonie canadienne qui inclut le Canada français, mais qui inclut le Québec. Le rapport Laurando-Danton, c'est vraiment où on se rend compte que c'est les francophones sont des citoyens de deuxième classe. On fait rapide, mais c'est ça que nous dit Laurando-Danton. Ce qui nous amène aux assises, parce que ça va se dérouler sur quelques années, mais aux fameuses assises de 67. Qu'est-ce qui se passe du 23 au 27 novembre 1967 au cours de ces États généraux du Canada français? Bien, il faut comprendre qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre les délégués acadiens, franco-ontariens, franco-ouestiens, si on veut, et québécois, sur la question de la santé, de l'éducation, de l'implication accrue du gouvernement fédéral dans l'offre de services et la bilinguisation de la fonction publique, par exemple. Donc, il y a beaucoup de points communs sur le transfert des institutions du réseau de l'Église vers les États provinciaux. Sur 14 résolutions, il y en a vraiment 13 qui ne soulèvent pas la controverse. C'est la 14e qui soulève la controverse et c'est l'idée que le Québec va être le véhicule justement de ce développement de l'autodétermination, parce que l'autonomie canadienne-française au travers du réseau institutionnel, on l'a toujours revendiqué, on l'a toujours cherché à l'intérieur puis à l'extérieur du Québec. Mais de faire du Québec cet acteur-là, eh bien, ça fait en sorte que les minorités ne savent pas tout à fait sur quel pied danser à ce moment-là, parce qu'ils se disent bien, le gouvernement de l'Ontario ne va pas devenir notre acteur, il faudrait autre chose. Et il y a quand même parmi la délégation québécoise, elle est composée à peu près entièrement d'indépendantistes, ce qui n'est pas totalement représentatif non plus du point de vue francophone au Québec dans son ensemble. Mais il se passe deux choses. La chose très concrète, c'est qu'il y a une résolution qui est adoptée qui reconnaît au Québec, et au Québec seul, évidemment, parce que c'est la montée du nationalisme, c'est le droit à l'autodétermination. On se dit, oui, ce projet de souveraineté du Québec, on le reconnaît comme légitime. Ça, c'est une chose très concrète. Et il y a surtout, peut-être, un premier point de rupture. Le Québec qui décide, dans son affirmation nationale, de tourner le dos à ses racines canadiennes-françaises. C'est ça qui se passe aussi à ce moment-là. Oui, à liquider une partie de ça. Puis il faut dire que ce processus-là se passait aussi dans les communautés minoritaires. La laïcisation de l'éducation en Ontario, c'était le développement des écoles secondaires de langue française. Au Nouveau-Brunswick aussi, on a même eu une université de langue française. Donc, cette étatisation-là des institutions de l'Église se passe ailleurs aussi, mais il y a cette... ce point difficile-là qui est par rapport à la place que le Québec occupera dans les rapports futurs. Et puis, le fait qu'on commence à se dire Québécois et non plus Canadien-Français, ouais. ça ne pose pas nécessairement de problème pour les Acadiens qui se disent Acadiens depuis toujours. La supra-référence ouais. canadienne-française n'était pas la principale de toute façon. Mais pour les Franco-Ontariens et les gens de l'Ouest, c'est particulièrement douloureux parce que c'était leur principal vocable identitaire. Ouais. Donc, si les Québécois ne se disent plus Canadien-Français, nous, on va devoir se dire Franco-Ontarien, Franco-Manitobain, et ainsi ouais. de suite. Le terme existait, mais il va falloir s'en servir comme référence principale. Il y a un changement de voilà. dynamique. Il y a cette fameuse phrase, d'ailleurs, c'est pas un hasard. En 68, un an plus tard, René Lévesque, nouveau chef de ce nouveau parti, le Parti québécois, va avoir cette... En parlant des francophones hors Québec, non pas des... qui ne sont pas acadiens, mais tous les autres, il aura cette expression. On les parlera d'eux en... Il dira c'est des « dead ducks ». Oui, et ça, ben, ça fait particulièrement mal. C'est une phrase choc et ça réduit les communautés à leur taux d'assimilation. Ouais. Bon, ces statistiques-là, Richard Arès, le jésuite, en avait étalé des statistiques dans les années 50 et 60 à ce sujet-là. Et les minorités en ont toujours été conscientes qu'on perdait beaucoup de soldats, si on veut, là, ouais. dans ce combat-là. Mais on peut dire que même si le taux d'assimilation était à 50 %, ben, le verre était à la fois à moitié plein et à moitié vide. Il n'était ouais. pas vide. On gardait quand même une bonne partie là, des jeunes. Et ce genre de déclaration, de se faire dire ça par, entre guillemets, le grand frère québécois, ouais. c'est comme si ce grand frère-là jetait l'éponge en disant « Nous, on a démissionné de l'avenir voilà. de cette francophonie hors Québec. » On n'aurait probablement pas dit de choses aussi crues avant les années 60. Ouais. Ouais. Le contexte changeant, le Parti québécois étant né, le mouvement nationaliste grandissant. En 76, ce même Parti québécois va prendre le pouvoir. Juste un an avant, d'ailleurs, les francophones hors Québec voient bien que la dynamique change. Ils vont se donner une association, la FFHQ, la Fédération des francophones hors Québec, qui sera un petit peu l'interlocuteur de ce gouvernement indépendantiste de René Lévesque à partir de 1976. Quel genre de relation aura ce gouvernement avec les francophones hors Québec? On écoute le compte-rendu de une rencontre entre le premier ministre René Lévesque et les représentants, justement, de la Fédération des francophones hors Québec en juin 1977. C'est la première rencontre du genre et déjà les partis sont convenus qu'il y a lieu d'établir des liens plus suivis, plus étroits. Il va sans dire que la Fédération des francophones hors Québec était très heureuse de cet engagement du premier ministre Lévesque de réviser les ententes interprovinciales concernant les minorités. Justement, à cet égard, le Québec transmettra à la Fédération toutes les données statistiques sur la situation de la minorité anglophone au Québec. Aux yeux des francophones hors Québec, c'est là un point de repère judicieux. Quant au premier ministre Lévesque, il estime que chaque province doit s'occuper de sa minorité, mais que le Québec n'a pas d'objection à leur être utile. On fait une guerre de médias d'information et une guerre, disons, politico-culturelle pour la défense. Et c'est légitime de défendre des droits, c'est sûr, pour la défense de la minorité anglophone au Québec, qui est quand même la plus riche, la mieux pourvue et, au point de vue force assimilatrice, la plus puissante, la plus influente au Canada. Il est assez récent qu'on se préoccupe, et il a fallu qu'il lance des cris pas mal éloquents, qu'on se préoccupe des groupes francophones qui, eux, au contraire, sont souvent parmi les moins favorisés à l'extérieur du Québec, sont ceux qui sont également mangés littéralement au galop par une assimilation contre laquelle on n'a jamais fait grand-chose dans les milieux responsables. Alors, quel genre de relation? C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. On l'oublie un petit peu, cette période-là, mais quel genre de relation on va avoir les francophones hors Québec, Serge Dupuis, avec ce gouvernement souverainiste, indépendantiste de René Lévesque? Oui, ben c'est une période de renouveau constitutionnel depuis les années 60 et 70. Et là, à un moment donné, on veut renouveler la fédération. On veut que le gouvernement fédéral soit plus bilingue qu'anglais. On veut aussi que le Québec veut se doter de nouveaux pouvoirs. Et ce n'est pas tout à fait clair, en fait, quel serait son statut, justement, après l'arrivée au pouvoir du Parti québécois? On parle de souveraineté-association. Ouais. Est-ce qu'on visait un État associé? Même ça, ça n'aurait pas nécessairement été contraire, justement, aux intérêts des minorités francophones qui se disent, parmi les leaders nationalistes, que Québec fort, ça ne peut que nous aider. Nous, il faut reconnaître la dualité sociétale du Canada. Et René Lévesque, s'il ne pouvait pas pas avoir l'indépendance était certainement pour une reconnaissance accrue du fait français au Canada, de reconnaître cette société distincte-là. Donc, d'une certaine manière, il y a quand même beaucoup d'accointances entre les revendications du Parti québécois et de la FFHQ. Puis, il faut dire que les présidents, par exemple, de l'Association canadienne-française et de la FFHQ sont inspirés justement par ce renouveau-là et cette politisation-là de la question Donc, francophone. Donc, une relation assez harmonieuse où la francophonie hors Québec se dit un Québec fort va nous profiter dans la mesure aussi, c'est intéressant encore une fois avec le recul, peut-être qu'on a mieux compris du côté de la francophonie hors Québec que du côté québécois comme tel qu'on parlait de souveraineté association. Voilà. On parlait au fond de vraiment d'un pacte confédératif en 80, pas de la souveraineté pure et dure. Évidemment, les fédéralistes vont laisser entendre aux Québécois que c'est l'indépendance, mais probablement du côté de la francophonie hors Québec, on comprend que c'est pas ça. Le Québec, même avec un oui, resterait dans la famille canadienne. Oui. Ce qui fait que la position de la FFHQ va être favorable au oui en 80. Bien, c'est-à-dire les leaders voudraient bien que ce soit un oui ouvert parce que ça offrirait une marge de manœuvre justement à l'équipe francophone, si on veut. Sauf que la position finale qu'on adopte, c'est qu'on ne va pas opposer le camp de la souveraineté association, mais on ne va pas appuyer non plus le camp fédéraliste. Donc, on joue un petit peu sur cette nuance-là. C'est une neutralité, mais qui espère le oui, en quelque part. Ouais. Évidemment, tout ça va dérailler. D'abord, il y aura un non qui sera majoritaire au référendum du 20 mai 80. Puis quand je parlais de déraillement, je pensais aux francophones en Québec, c'est que les négociations constitutionnelles dans lesquelles Pierre-Elliott Trudeau va engager le Québec et le reste du pays vont mener à la Constitution de 82, ce qui sera... C'est un échec complet pour les francophones hors Québec. Pourquoi? Parce que la seule nouvelle garantie vraiment qu'on leur offre, c'est un accès à l'éducation primaire et secondaire de langue française, là où le nombre le justifie. Ce qui veut dire que dans certains milieux, on va devoir compléter des programmes ou créer des écoles, mais on n'obtient toujours pas la gestion des écoles. C'est toujours pas un droit inaliénable. Et on n'a certainement pas la parité avec la communauté anglo-québécoise, qui était justement ce que l'évêque voulait signer avec la Charte de la langue française, une entente de réciprocité. Eh bien, les Franco-Ontariens auraient été heureux d'avoir trois universités puis huit hôpitaux. Ouais. On s'entend, là, l'écart était caricatural. Et plus que ça, en fait, ce qui va se passer pour les francophones hors Québec avec cette Constitution de 82, c'est que le grand pacte traditionnel, le Canada qui reposait sur deux peuples fondateurs, Canada français, Canada anglais, au fond, ça n'existe plus. Le Canada devient la réunion de 10 provinces égales. On parlait des États généraux de 67 comme un premier point de rupture. Est-ce que c'est pas en 82 qu'on consacre la mort du Canada français, entre guillemets? Bien, certainement de la revendication commune de cette référence-là qui mène le processus de renouveau constitutionnel. Bien, la Constitution est signée et rapatriée en 82 et ce sont les droits individuels qui priment, la loi sur les langues officielles qui offre des services dans les deux langues officielles et l'article 23 de la Charte qui offre une certaine éducation en langue française pour des individus et non pas pour des communautés, sauf que, bon, on l'interprète plus tard à la Cour suprême, mais comme étant un droit communautaire de gérer les écoles, mais c'est pas du tout clair en 82, ça va prendre 10 ans avant qu'on reconnaisse entre les lignes que c'est ce que ça suggérait peut-être. La dynamique politique, elle est complètement changée avec la Constitution de 82, l'accord du Lac-Meech qui va suivre où non seulement le Canada de 82, c'est 10 provinces égales, mais Meech, c'est la ronde Québec, donc les francophones hors Québec sont pas là. C'est le rapport Québec-Canada. Ça va être un autre coup dur pour les francophones hors Québec. Et on va le voir, Serge Dupuis, à la fin des années 80, au début des années 90, est-ce que c'est pas le moment où, je reviens à ma présentation au tout début de l'émission, où les francophones hors Québec et les indépendantistes québécois, puis même pas les indépendantistes, le Québec francophone vont être plus que jamais en pleine opposition avec des intérêts totalement divergents. Puis on peut le voir avec la FFHQ, elle avait des meilleurs rapports avec Claude Morin et puis René Lévesque qu'avec Claude Ryan, Gilles Rémillard et Robert Bourassa, qui sont dans un autre cadre de pensée qui acceptent, d'une certaine manière, c'est ça, voudrait quelques modifications au régime de 82, mais finalement acceptent la symétrie fédérale. Et dans l'arrêt Maé, par exemple, à la Cour suprême, qui essaie de déterminer si des groupes de parents ont le droit de gérer les écoles francophones en Alberta, eh bien, ils vont justement être du côté de de la province de l'Alberta qui s'oppose à ce droit-là, en partie parce que Claude Ryan croit à la confessionnalité du régime scolaire. Et au-delà de ça, parce que quand on parle d'intérêts divergents, dans ce nouveau régime fédératif, le Québec souhaite, pour faire court, un Canada et un pouvoir fédéral le plus décentralisé possible, alors que les francophones hors Québec, pour protéger leurs droits, souhaitent un pouvoir central le plus centralisateur, le plus fort possible. Début des années 90, ce grand bouleversement se poursuit. Le Québec est insatisfait de sa situation. Échec du lac Meech, commission Bélanger-Campeau créée par Robert Bourassa sur l'avenir politique du Québec. Tout est sur la table, même la possibilité d'un référendum sur la souveraineté. Accord de Charlottetown. Dans ce contexte-là, les francophones hors Québec doivent se positionner. On écoute Jean Tanguay, qui à l'époque est président de l'ACFO, l'Association canadienne-française de l'Ontario, parle un petit peu de la position qu'il adopte par rapport à ce fameux accord de Charlottetown, extrait de l'émission Les Actualités du 15 juin 92. Remarquez bien, quel que soit le statut que le Québec choisit à l'avenir, le Canada anglais devra respecter sa décision. Mais tout ce que nous disons à ce moment-ci, ce que nous disions à la commission Bélanger-Campeau et que nous continuerons à dire à l'avenir, c'est que nous croyons qu'un Québec à l'intérieur du Canada redéfini remarquez bien, qui reconnaît que le Québec est une société distincte, qui reconnaît les droits de la communauté francophone du Québec. C'est dans ce Canada redéfini dont j'encourage le Québec à demeurer. Est-ce qu'au début des années 90, Serge Dupuis, on boucle la boucle de cette émission, on ne se retrouve pas vraiment avec des francophones hors Québec qui craignent l'indépendance du Québec et des indépendantistes québécois qui se disent « mais ce sont des empêcheurs de tourner en rond, d'abord et avant tout, ces francophones hors Québec ». Oui, ben, je dirais parce qu'on cesse de leur offrir quoi que ce soit après 82. Si on pouvait espérer pour la dualité sociétale jusqu'en 82, c'est un peu fini. On veut tout simplement obtenir plus de garanties pour le Québec. Puis, d'une certaine manière, on ne leur a jamais offert autre possibilité que le statu quo ou l'assimilation dans un Canada sans le Québec. Donc, je veux dire, c'est le statu quo ou une situation qui est pire. Jamais on a parlé d'entente de réciprocité ou de rapatriement ou d'accueil des francophones hors Québec. On parlait beaucoup d'immigration, mais jamais de ces gens-là comme des frères ou des alliés, comme on l'aurait fait jusqu'aux années 60 et même jusqu'au début des années 80. Donc, il y a un changement de paradigme dans les années 80 et 90 qui fait en sorte que si on faisait partie d'une même famille, on a de la difficulté à se reconnaître justement comme faisant partie de la même équipe à partir de ce moment-là. Et ça reste aujourd'hui. Elle en est où, cette dynamique? C'est la même chose? Les choses se sont calmées, certainement, surtout parce que il n'y a pas vraiment de nouvelles propositions depuis 1995. On essaie de reprendre des rapports un peu. Le gouvernement les gouverneurs de Charest et Couillard ont essayé de rétablir des liens, mais je vous dirais, c'est peut-être... Il n'y a rien d'évident dans ce dossier. Serge Dupuis, historien, spécialiste de l'histoire de la francophonie canadienne et nord-américaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.